quelle est sa chance contre toi? Et son espoir de vivre encore? Tu sais qu'à l'issue du combat, un seul de vous se tiendra droit et que l'autre aura vu sa mort. Tu sais très bien que contre toi, jamais il ne s'en sortira. Laisse-le vivre, je t'en conjure. Demain l'aube n'y va pas, et ce sera toi qui vaincras sans qu'il y ait la moindre blessure. Sais-tu donc à qui tu t'adresses? As-tu oublié qui je suis? Jamais je n'aurai de faiblesse pour celui qui, je réconfesse, qu'il voudra me prendre la vie. Jamais je ne laisserai d'insultes à pardonner, tu le sais bien, et peu m'importe si demain le monde me traitera de brute, c'est pour mon honneur que je lutte et pour la femme à qui je tiens. Don Juan, Don Juan, n'aura de pitié pour personne. Don Juan, Don Juan, se fout de la chance qu'on lui donne. Don Juan, ne comprends-tu pas que c'est ta seule chance de salut, de laisser vivre l'homme qui viendra demain à l'aube devant toi, cette aube qu'il ne reverra plus. Tu le laisses s'en aller, sans le toucher, sans le blesser, tu serais plus grand que le roi. Et tu les verrais s'allumer, les lumières de l'éternité, dans les beaux yeux de Maria. Jamais je ne laisserai partir celui qui voulait en finir, il faut qu'il meure de ma foi, moi. Et je les verrai s'allumer, les lumières de l'éternité, dans les beaux yeux de Maria. Don Juan, Don Juan, n'aura de pitié pour personne. Don Juan, Don Juan, se fout de la chance qu'on lui donne. Don Juan, Don Juan, qui pourrait bien lui faire comprendre. Don Juan, Don Juan, que la vie ne peut pas se prendre.